Ces petites filles, avait dit la cousine bête en regardant Hortense quand elle était revenue près d'elle, s'accroient qu'on ne peut aimer qu'elles. Tiens, avait répondu Hortense en se trouvant seule avec sa cousine, prouve-moi que Venceslas n'est pas un comte, et je te donne mon châle de cachemire jaune. Mais il est comte. Tous les Polonais sont comtes. Mais il n'est pas polonais. Il est de Lituanie? Non. Livonie? C'est cela. Mais comment se nomme-t-il? Voyons, je veux savoir si tu es capable de garder un secret. Oh, cousine, je serai muette. Comme un poisson? Comme un poisson. Par ta vie éternelle? Par ma vie éternelle. Non, par ton bonheur sur cette terre? Oui. Eh bien, il se nomme le comte Venceslas Steinbock. Il y avait un des généraux de Charles XII qui portait ce nom-là. C'était son grand-oncle. Son père à lui s'est établi en Livonie après la mort du roi de Suède, mais il a perdu sa fortune lors de la campagne de 1812, et il est mort, laissant le pauvre enfant, à l'âge de 8 ans, sans ressources. Le grand-duc Constantin, à cause du nom de Steinbock, l'a pris sous sa protection et l'a mis dans une école. « Je ne me dédie pas, » avait répondu Hortense. « Donne-moi une preuve de son existence, et tu as mon châle jaune. Ah, cette couleur est le phare des brunes. Tu me garderas le secret? Tu auras les miens. Eh bien, la prochaine fois que je viendrai, j'aurai la preuve. » Mais la preuve, c'est l'amoureux, avait dit Hortense.